Lorsque des véhicules se suivent et que la vitesse augmente, la distance de sécurité doit augmenter. Réponse A. Rester la même. Réponse B. Diminuer. Réponse C.